c'est voilà, on sait, on connaît le générique par cœur. Voilà, maintenant, c'est Pyongyang City Rockers numéro 371 qui commence. Ouais. Nous sommes mercredi 15 janvier 2025. Comme le temps passe, mon cher Jamie. Yes. Bonsoir les amis. Bonsoir. Et puis alors, grand retour exceptionnel. Bonne année. Manu, bonne année. L'éminence grise. Là, tu t'es pas posté derrière moi pour vérifier ce que je fais. Exactement. Sur les boutons. Et en plus de ça, t'as vu, il arrive à parler dans le micro. Enfin, un petit peu loin du micro, mais ça va quand même. Bon, tu vas nous passer de la musique aujourd'hui? Pas du tout, comme d'habitude. Bon, bah d'accord. Bah, par contre, t'auras droit quand même une petite bière après. pour l'instant, bah ouais, alors cette semaine, bah, y en a plein qui sont encore absents. C'est le bordel, il y a du brouillard. C'est compliqué, puis tout le monde est fatigué. Moi-même, d'ailleurs, je sors de maladie, vous savez, j'ai failli faire flaque moi-même, donc ça aurait été compliqué aussi. Donc, il y aura pour moi, en tout cas, ce que je vous ai préparé, c'est un petit échantillonnage des concerts à venir jusqu'à la fin de la semaine. Encore quelques petites choses qui sont sorties en 2024, et puis des nouveautés, enfin, plus ou moins nouvelles. Voilà. Hein, voilà, ouais. Et puis de la vieillerie quand même aussi, parce que c'est important de passer des vieux trucs pour rappeler d'où qu'on vient et puis qu'est-ce qui était bien avant, mais qui est, enfin, ils sont morts. Hein, ouais. Pour que les nouveaux, voilà, ils comprennent. Ouais, enfin non, pas forcément, mais pour dire que voilà, on peut aussi faire des comparaisons des fois. Ouais. Puis toi, tu vas nous passer plein de trucs cette semaine. Ouais, aujourd'hui, ouais. Bon, ben voilà, on aura les surprises. Pour l'instant, voici justement une des belles choses sorties en 2024, c'est Dogmen de tournée. Ils vont jouer je sais plus où dans pas longtemps. De toute façon, ils ont plein de concerts, vous regardez sur Spunk. Spunk. et puis il y a plein de concerts qui sont annoncés. Pour l'instant, voici Tricked par Dogmen. I got eaten alive last night. Bah ouais, voilà, Dogmen, c'est bien. Hein. En plus, tu les as vus en concert récemment, Manu. Bah, ça y est. Après, comme tu disais, tu peux les voir tous les 5 minutes, enfin, tous les 5 jours facile. Ouais, c'est ça qui est bien d'avoir des groupes bien dans la région, c'est qu'on peut les voir souvent. Ouais, voilà. Cool. Et toi aussi, tu veux passer à un groupe régional, Jamie? Ah non, pas du tout régional, non. Bon, alors. C'est plutôt, on va aller du côté de l'Angleterre. Là. L'Angleterre, ouais. Comme ça. Ouais. Putain, c'est dégueulasse. Ouais, on va voir Idols. Ouais. Alors ça, la chanson c'est Never Fight a Man with a Perm et c'est issu de l'album Joy as an Act of Resistance. Oula, yeah. Dis donc, c'est un peu ce qu'on pratique ici en fait. Ouais. On résiste en rigolant, et ouais. En faisant des grosses blagues à la con. Ouais. C'est bien. Idols, ouais. Ah. Et alors pourquoi, je veux dire, c'est quoi cette histoire de ne de jamais. Permanente. Et ouais, ouais donc, et en c'est plus, j'ai pas tout dit parce que figure-toi que dans la chanson, ils font une allusion à These Boots Are Made for Walking. Ouais. Mais. De Nancy Sinatra. Ouais, par voilà. Tous les groupes de la création. Ouais, même, mais là c'est une petite crust, allusion, tu vois. Par Genocide SS. Ouais. Ouais, non, c'est peut-être ils font peut-être aussi référence à Trump. Je crois qu'il est permanenté lui. Enfin, c'est ah. Enfin, bon, des fois il s'envole, hein. Et ouais. tu vois que c'est. Ouais, bref. Un perroquet bon. Un peu. Un peu, ouais, bon, ouais. Ouais. Je préférais que ce soit un vrai perroquet plutôt que ouais. Donald Trump avec ses copains. J'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure. Ouais. Donc voilà. Ou alors, Idol. Je sais pas, c'est Homer Simpson non. Homer Simpson. Non, plutôt Marge Simpson. Homer, ouais. Avec une. Marge Simpson, tu vois, ça la. Ouais, celle avec ses cheveux bleus. Ouais, ouais. Ouais. Bah voilà, c'est peut-être ça. Hein. Ah, bon, bref, ça. Idols. Ouais. 106.6. Bien sûr. J'ai failli me faire avoir. Et je commence donc les trucs à annoncer. Y a un truc qui n'est pas un concert et qu'il faut annoncer, c'est demain au CCL, le Centre culturel libertaire à Lille, il y aura une assemblée générale antifasciste. Je vous lis un petit peu ce qu'ils racontent sur ce qui se passe actuellement. Malgré la fermeture du local de la Citadelle, les mouvements d'extrême droite sont toujours très présents à Lille. On peut parler de la nouvelle droite appelant à la remigration, allant jusqu'au CRA de l'Équin pour déployer leur banderole. On peut aussi parler du collectif Némésis qui, l'année dernière, lors d'une manifestation féministe, s'est infiltré pour appeler à la haine envers les immigrés. Ou encore l'UNI, le syndicat étudiant dont les militants sont proches, voire membres de Génération Z, n'hésitant pas à faire preuve de provocation, voire de violence lors des blocus des facultés. Sans oublier les hooligans de la LOSC Army, vieille histoire, les tribunes étant devenues le fief de l'extrême droite lilloise depuis la fermeture de la Citadelle. Ces groupes n'hésitent pas à se rassembler lors de certaines manifestations ou de soirées ramenant des militants fascistes de tout le Nord, comme les Vouivres, nationalistes révolutionnaires, présents à Douai. Pour lutter contre ces groupuscules et le fascisme au sein de notre ville, nous vous invitons à venir à cette assemblée antifasciste afin de pouvoir s'organiser et former un réel front antifasciste dans la métropole. Voilà, donc le rendez-vous c'est à 18h au CCL, 4 rue de Colmar, métro Porte des Postes. Pour assemblée générale antifasciste, espérons qu'il y aura du monde et qui aura envie un petit peu d'en découdre ou en tout cas de montrer qu'on est en force et qu'eux ils sont pas si nombreux que ça. Faut jamais oublier. C'est des activistes, mais les gens qui sont antiracistes, antifascistes, il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément très très politisés, mais qui n'ont pas envie de voir ces connards faire chier le monde. N'est-ce pas? Vous êtes à l'écoute de Pyongyang City Rockers sur Campus 106,6. C'est notre numéro 360. Et 11. Et puis, alors qu'est-ce que je devais annoncer? Des concerts, il y en a quand même. Je commence avec un petit concert au Pits, à Courtrai. Que serions-nous sans la Belgique toute proche, qu'elle soit néerlandophone ou francophone, je ne sais pas. Quelques bons concerts que je vous annonce là. Premièrement, un concert de Force, Clusterfuck et Sico. Ça sera donc au Pits ce vendredi. À partir de 18h30, c'est l'ouverture des portes. Précipitez-vous. Ça dépend. Si tu penses qu'il peut y avoir du monde, il vaut mieux quand même arriver assez tôt. Tu bois une ou deux bières, c'est la blo, elle est bonne. Comme ça, t'es sûr. Elle est bonne, elle est fraîche, la blo au Pits. Et en plus, ça sera 5€ l'entrée. Il y aura Force, Clusterfuck et Sico. Je vous passe maintenant Sico avec le titre éponyme. J'aime bien dire ce mot-là. Les voici donc, et vous pourrez les retrouver ce vendredi à Courtrai, au Pits. Poum poum, Sico. We'll be right back. je vais quand même l'annoncer celui-là. Deuxième concert à annoncer ce soir, Exmouth Syndrome. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui est précédé. Ça va passer aussi vendredi, ça sera au Bidule, 19 rue Henri Kolb à Lille. Un des bons endroits où il y a souvent des bons petits concerts, Exmouth Syndrome, c'est de l'EBM. Post-punk EBM, on va dire. Ils seront accompagnés de Larsovitch, c'est un groupe qui se dit post-punk synthétique. Bon, ça sera donc au Bidule, ça commence, dit-on, à 18h45. Si t'arrives à 46, c'est fermé, c'est rempli. Parce que le Bidule aussi, c'est encore plus petit que le Pizza. Arrêtez. Hein. C'est 7 euros en pré-vente. C'est où la pré-vente déjà? Je sais plus. Sur le Hello Asso de Just Like Event, c'est eux qui organisent. Et puis sinon, sur place le soir même, ça sera 10 euros s'il reste de la place. Hein. Donc ceux qui veulent vraiment assister à ce truc-là, vaut mieux peut-être qu'ils fassent la pré-vente. Vous allez sur helloasso.com et puis vous cherchez Just Like Event. Et puis après, bah, vous trouverez le truc, voilà, Brown Proof. Et puis voici Exmouth Syndrome avec un titre sorti il n'y a pas longtemps, Stronger. Je vous recommande la vidéo qu'on peut trouver sur le réseau social. Qui fait de la vidéo, rouge, c'est ça. D'ailleurs, un jour il faudra arriver à se débarrasser de ce truc qui commence à être une plaie. C'est vrai qu'il faut que je vous parle de ces histoires de réseaux sociaux et tout ça, parce qu'en ce moment il y a du mouvement. Exmouth Syndrome avec Stronger. Yes. L'EBM, hein, mais ça va, quoi, ça passe. Hein, c'est cool. Mieux que certains groupes qui font du cold punk, enfin, bon, enfin, qui disent en faire. Enfin, je dis ça, je dis rien. Faut jamais rien dire. Vous écoutez Pyongyang City Rockers sur Campus 106,6. Il est 20h20 et c'est l'heure du deuxième titre de Jamie. Peut-être même le troisième d'ailleurs. Ouais, peut-être. À savoir. On va savoir. Hein. Je vais vous passer. T'as oublié? Ben non, c'est pas une histoire oublié, de machin. C'est Junsu. Ouais. Ça vient. Alors, c'est un mec. Ça vient de Belfast. Oh. Belfast à Manchester. L'autre Irlande. Ouais, non, c'est un. Son père il est irlandais. Ouais. Pour l'histoire. Alors, la chanson, c'est Air de Martin. Ça vient de l'album The Troubles, Les Problèmes. Il n'y en a pas de problème. Non, mais c'est parce que sur la photo, il y a un bébé. Il y a entre les deux côtés. Ouais. Donc, voilà. Ok. C'est peut-être pour ça, le les problèmes. Le côté vert et le côté orange. Ouais, voilà. Enfin, ouais. Bleu et rouge et vert, blanc, orange. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Avec des hélicoptères et tout. Oh. Ouais. Alors, t'as pas dit le titre? C'est... Ou alors tu l'as dit, mais je me souviens plus. Ouais, I Hear the Marching. Par Junsu. Ouais, ouais. Junsu. I hear the marching. It's coming from over the mountains. They're building their barricades. They're coming around us. I hear the marching. Tell you a story. It gets a wee tad bit gory. I traveled up north to seek a land. I met a girl, I took her hand. We started to dance, I saw my chance. So as we danced, I aimed for her lips but missed. I kissed her nose, she giggled and laughed. We continued to dance into the night until the sun came into sight. By then I knew this one was my wife. So then I proposed. She said, I suppose, let's go into the trees, because I know they'll follow me. I said, why? She said, don't you know we're both from the other side? I hear the marching, it's coming from over the mountains. Spies, they're building their barricades, they're coming around us. I hear the marching, it's coming from over the mountains. They're building their barricades, they're coming around us. She looked in my eyes and told me she's pregnant, and she didn't know what to do. She told me her father would kill us both, and maybe the baby too. She told me to leave with tears in her eyes, opened the door and pushed me outside. Told me to go, leave her behind. I told her no, we could make it in time, but still she cried. I lifted her head and looked in her eyes. She looked into mine with hollow eyes. I realized she'd made up her mind. She stood up from off the floor. She didn't look back, she shut the door. I walked away, my heart was sore. In the distance I heard the thunderous roar. I hear the marching, it's coming from over the mountain. They're building their barricades, and they're coming around us. I hear the marching, it's coming from over the mountains. They're building their barricades, and they're coming around us. My father left before I was born. My whole life was filled with scorn. I didn't know why. When I was a child, my mother was scared to hug me. And her husband often called me a bastard child and told me that not even God could love me. Was I ugly, beaten up daily until my sores were turning to blisters? I was never allowed to eat at the table along with my brothers and sisters. I was told I was different, not like the others. Branded a bastard and told I was rubbish, thrown in the gutters to die or survive. 9-16, joined the army with pride, and I fire it thrives inside every time. I hear the marching, it's coming from over the mountain. Fought and killed, the blood had spilled until it went down from the skies. I silently screamed inside so no one could ever have heard my cries. I left the army and married my wife. We settled down, had children and made a new life. Away from the troubles, away from the strife. But many nights I lay awake and I wondered, thinking of fate and how my father had left me squandered. Until one day the postman came with a letter from him, and it told me he'd stayed alive. But 2 days before he planned to arrive to meet me, I received a telegram saying he died. Eh ben d'accord. C'est quoi ce bordel? Ah merde, c'était cuir. Oui. Prenons de la drogue. C'est le pop of dope breton, c'est ça? Ouais. Et c'est issu d'un EP. Un EP. De l'EP, ouais. Ouais. Bravo. J'en dirais pas plus. Non, ben non, de toute façon, là, c'est. Sinon, on va creuser notre tombe. Là, on est particulièrement signalé. C'est fini. Hein, en plus, par rapport à ce qu'on dit à chaque fin d'émission, putain, je te dis, moi. Ça va mal aller. Qu'est-ce que je voulais raconter, moi? Ah oui, je voulais présenter quand même un petit groupe dont je viens de récupérer quelques musiques. C'est pas mal, ça s'appelle Lane Fallow. C'est un groupe de Bruxelles qui fait des trucs qui ne sont pas sans m'évoquer Savak. Je crois que j'avais déjà passé un titre de Savak ici. on va dire peut-être 2 ans, quoi, un truc comme ça. Donc c'est, on va dire que eux, ils se taxent de emo punk. Moi, je trouve que c'est plutôt post hardcore. Ouais. Mais il y a quand même des, ça se recouvre. Hein, c'est. Ces dénominations. Ouais. Et donc voilà, c'est un groupe là qui est déjà sorti un EP en 2024. Et puis là, il y a encore un nouveau titre qui est sorti ici en début d'année, qu'on va pouvoir écouter juste après que j'ai fini mon petit baratin. À savoir qu'ils vont jouer le 6. Attendez, où est-ce que j'ai foutu ça? Ils vont jouer le 6 février, alors pas tout près, à Bruxelles, au coin culture de l'ULB, vous savez, là, près du, enfin, sur le campus Solbosch, en compagnie de Colère, qu'on a déjà passé ici, et de Pédigré, qui sont déjà venu ici. Et voilà, et quand même, comme quoi, quand même, c'est bien d'avoir des groupes bien dans la région. Et voilà. Donc il y aura Colère, Pédigré et Lane Fallow au coin culture ULB à Bruxelles à partir de 20h et pour 8€ en cash. Pouf. Et c'est organisé par une orga qui s'appelle Panic. Un coup en français, un coup en néerlandais. Parce que, faut pas rigoler quand même. Voilà. Les voici, Lane Fallow, L-A-I-N, plus loin, F-A-2-L-O-W, ça se trouve sur Bandcamp, comme toutes les bonnes petites choses, enfin beaucoup des bonnes petites choses qu'on passe ici. Les voici avec Winning Culture, c'est nous la culture qui gagne. Hein? Voilà, Lane Fallow. Pas sûr. Bring dit qu'il y a des bonnes choses qui se passent dans la région. Et bon, voilà. On parlait du punk qui n'est pas mort. Non, non, c'est un truc qui est censé être mort depuis 78, hein, quand même. Il y a quand même de tout, dans plein de styles différents qui éclosent dans tous les azimuts, ouais. Et puis qui donnent naissance à des nouveaux trucs, et puis tout ça, puis des gens qui restent, et puis qui font plein de trucs bien. par exemple, un truc bien qui va avoir lieu, je ne vais pas passer de titre hein, par rapport à ça, mais quand même, il faut que je signale que samedi à Oisem, il y aura un goûter-concert de Anhauser, et ça ne va pas se passer dans une salle de concert, mais dans un salon de coiffure, R plus coiffure, 175 rue Gambetta. Et c'est, ce qui est annoncé, c'est gâteau, boisson, au pluriel, mulet, décoloration et noise rock. Moi, je dis, ça se tente. C'est à 16h et l'entrée, en plus, elle est gratuite. Et vous, si attends, vous pouvez vous faire couper les tifs en même temps. À mon avis, là, le coupage de tifs sera payant. Hein, mais bon, l'un dans l'autre, bref, c'est à ne pas manquer. Et puis alors, sinon, qu'est-ce qu'on... Oui, je continue dans les trucs. Là, je pars dans le garage quand même, parce que samedi, au Pits, encore un truc au Pits, putain. Heureusement qu'ils sont là, moi, je vous le dis. Au Pits, il y a deux groupes australiens, Motor Mouth et... c'est des Australiens ? Non, c'est pas des Australiens, c'est des Bruxellois. Et Vichachachaz, ça c'est des Australiens qui font un truc entre power pop et garage punk. Nous dit-on, c'est au Pits à partir de 19h. J'ai pas le tarif, c'est pas grave. De toute façon, vous arrivez en général, c'est pff, allez, 8 balles gratuit pour les étudiants, comme ça, et gratuit pour les étudiants. Alors, est-ce que ça marche pour les étudiants français? Ouais. D'accord. Tout à fait. C'est bien. Il est bien, il a tous les renseignements, Manu. Mais il ne veut pas parler dans le micro. Et donc voilà, Vichachachaz, que je vous balance maintenant avec le titre Send Help. Parce qu'il faut toujours se faire aider. Mais pour se faire aider, il faut demander de l'aide. Send Help par Vichachachaz. Send help. Send a little help from a friend. Send help, send a little help from a friend. Send help, send a little help from a friend. Send help, send a little help from a friend. They say I'm going crazy. confirme que Motor Mouse, c'est pas du tout des Australiens. J'ai bien fait de rectifier et de dire qu'ils étaient de Bruxelles parce qu'ils sont de Bruxelles. Si vous aimez ce genre de musique que nous venons de passer, la vie tcha-tcha-tchaz, trois fois, Jamie. Ouais, vous pouvez écouter Campus tous les mardis de midi, 14h, l'émission de Je Président. Mister Eric, ça s'appelle I Smell a Rat, Baby. Et il passe du garage et du garage et du garage punk et du punk garage. C'est quand même pas mal. Hein. Puis des fois, des trucs assez bluesesques aussi. J'en ai entendu là hier. Chez Tobias, tout à fait autre chose. Ça me dit au bout de nos rêves, passons de l'autre côté de la frontière linguistique. Le BNR à Gorin-Ramcroix, il y aura un petit concert pas piqué hanneton. Ça sera Matraque Attack 4DG. Le super groupe de Minsgore. Il y aura aussi Abin Meuf, c'est des Riot Girls qui viennent de Liège, je crois. Ouais. Et puis Cheswick, Cheswick à nous, qui ont déjà joué ici dans le hall. D'ailleurs, avec Matraque Attack. C'était un bon concert qu'on avait fait là, au mois d'août. Tiens, d'ailleurs, un jour, il faudra que je le foute, que je le mette en ligne, parce qu'on a tout enregistré, hein, chez Tobia. Voici donc, ça sera samedi soir, ouverture des portes à 19h, début des concerts en général, c'est 20h-20h30. 5€ l'entrée, pas cher. Matraque Attack, KDG, Abin Meuf et Cheswick. Ça va barder. Voici Matraque Attack avec Her Story Untold. A rinchiuderci solo in case, stanze, appartamenti, scatole, ospedali psichiatrici, prigioni vere e finte. Continuiamo a voler restare soltanto in posti sicuri, con persone sicure, credendoci al sicuro, senza mai confrontarci con persone in realtà differenti, giudicando altri con somma sapienza, disprezzando chi non la pensa come noi e credendo che la ragione sia sempre dalla nostra parte, quella ferita, frustrata e arrabbiata. Ci proclamiamo paladini della giustizia, non ci mettiamo in discussione, ostentando valori e pienezza di spirito mai avuti. Spaventati dal futuro, cerchiamo di scrivere il nostro manifesto, la nostra storia, scordandoci delle storie di chi ci circonda e chi non ha ancora avuto la forza di raccontarle. Abbracciamo lo status quo quando vorremmo distruggerlo, ricostruiamo ponti dentro di noi e nel frattempo costruiamo dighe per colmare le lacrime che continuano a sgorgare in noi e accanto a noi. Quanti di noi, predicando uguaglianza e libertà, si fanno in quattro per aiutare persone lontane, ma si comportano male con coloro che le circondano? Cosa possiamo fare per non impazzire in un mondo al tramonto dei suoi giorni come il nostro, se non continuare a vivere fino in fondo, continuando a ricostruirci, distruggerci per poi rinascere dalle proprie ceneri, gridando e cambiando rotta, ruolo, nome, vite, uccidendo invece di noi stessi, sormontando la paura della fine. Un giorno ne avrete, ma fino ad allora, quando la nebbia avvolgerà la mia mente, la spegnerò, farò. Yeah. Ouais, bagarre, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bagarre. T'as encore un titre? Dis donc, tu es prolifique ce soir, Jenny. Alors là, je vous avais passé un titre de The Irish Rover. Ouais. Drunken Sailor. Ouais, c'est un vieux, bah, c'est même un vieux truc. Folklorique. Voilà. Ça, au départ. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Et là, c'est une reprise de Smokey Bastard que je vous ai passé la semaine dernière. Une version alternative. Ouais, voilà. D'accord. Plus rentre dedans, on va dire. Oh putain, bah, ouais, c'était déjà bien rentre dedans la semaine plus, dernière. Comment dire, je sais pas. Bah, du coup, on va le passer. Ouais, voilà. Smokey Bastard, ouais. Ouais. Il est 20h42 à l'antenne de Radio Campus. Il faut dire l'heure parce que sinon, on va s'en taper sur les dos aussi. Hein. C'est Pyongyang City Rockers pour encore 18 minutes. Hein, j'allais dire, il y a un Bandcamp aussi, si vous voulez. Un Bandcamp de Smokey Bastard. Ouais. Ok. Ouais. En avant, Drunken Sailor. Yes. Il est bourré, le marin. What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? I lie in the morning. What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? I lie in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. I lie in the morning. Up till he's sober, stick him in the lockup till he's sober, stick him in the lockup till he's sober, I lie in the morning. Stick him in the lockup till he's sober, stick him in the lockup till he's sober, stick him in the lockup till he's sober, I lie in the morning. Throw him in the hole with the captain's daughter. Throw him in the hole with the captain's daughter. I lie in the morning. Throw him in the hole with the captain's daughter. Throw him in the hole with the captain's daughter. Throw him in the hole with the captain's daughter. I lie in the morning. Hooray! y a comme qui dirait un bruit derrière. Donc, il y avait Drunken Sailor par The Smoky Bastard. Voilà. On compte sur toi la semaine prochaine pour ramener encore une autre version. Ouais. Pas forcément par eux, mais enfin, on verra. Ouais. Et puis là, juste à l'instant, c'était Anemisk, un groupe de Oslo, en Norvège, ouais. Qui faisait le titre Skadoskut. Je ne sais pas si je le dis bien. Bon, ça, je sais plus ce que ça veut dire. Enfin bref. Et Anemisk, là, ils seront au BNR. ouais. Ce dimanche, en compagnie de Sor, groupe Power Violence et de Tipeee, un duo punk garage qui sont de Bruxelles aussi, me semble-t-il. Ça sera dimanche 19 janvier, au bout de nos rêves, à Gouin-Ramecroix, à partir de 19h, ouverture des portes. Et le prix, là, il va être libre. Ah. Ce qui ne veut pas dire que vous ça mettez non, des pièces hein. rouges. Hein ouais. Non, mais ah, voilà, il faut quand même mettre un petit peu de sous. Les mecs, les gens, ils descendent quand même de la Scandinavie où il fait encore plus froid qu'ici. Donc arrêtez un petit peu. Mais c'est quand même bien relou. Et je pense que je vais peut-être aller y faire un tour à ce concert d'Anemisk. Ça devrait être bon. De quoi voulais-je vous parler maintenant? Ah, bah oui, de l'édition. C'est beau. Parce que ça fait longtemps que je dois le présenter, ce petit bouquin-là. C'est une BD. Alors déjà, souviens-toi, Jamie. Ouais. Il y a quelques mois, je parlais de Denis Alexeyev, ce mec en Russie et en Sibérie. Depuis plusieurs décennies, il véhicule les groupes punk hardcore, bizarroïdo, un petit peu, et donc pas uniquement des Russes, mais aussi des groupes d'autres pays, y compris de pays occidentaux, pour aller les faire jouer, enfin pour qu'ils puissent aller jouer dans les bleds les plus incongrus du plus lointain Orient russe. Et donc voilà, il fait ça avec une bagnole, quoi, enfin une camionnette, quoi, qu'il a appelé la Gazelle of Death, la Gazelle de la mort. À l'époque, donc, j'en parlais parce que à l'époque, il y avait le projet d'acheter un bateau qui permettrait de transporter les punks vers des villes de Sibérie qui ne sont pas desservies par des routes, mais uniquement par des voies d'eau. Tu vois, ouais. C'est pour dire que c'est vraiment la Sibérie. Donc, c'est voie d'eau, c'est uniquement au moment où c'est pas gelé. Hein. Mais bref, la souscription qui avait été lancée a été un succès. Le bateau a été acheté et il me semble que les opérations ont commencé. Donc, ça, je vous en reposerai un petit peu dans quelques temps quand j'aurai réuni plus d'informations là-dessus. Et là, j'en reparle de ce gars parce qu'il existe une BD qui retrace sa vie d'aventure au volant de la mythique donc, camionnette de marque Gaz, GAZ. Typique russe, quoi. Donc, la célèbre Gazelle of Death, là. Donc, cette BD, elle existait déjà en langue russe depuis un petit moment. Donc, les textes sont de Denis Alexeyev lui-même et les dessins sont d'un certain Pete Psimuline. Je sais pas ce qu'il fait. Bon, bref, voilà. Et là, ça a été traduit en anglais. Donc, on a affaire à un très joli petit volume de 82 pages. Bande dessinée. Hein, voilà, noir et blanc, niveau de gris, machin, bidule. Ouais. C'est quand même fait de manière très professionnelle. Ouais. Belle reliure, avec une belle couverture en couleur chez Bio. Mais je vous le dis. Ça reprend toute l'histoire de Monsieur Alexeyev, là, depuis le début, avec beaucoup d'anecdotes. Des fois, c'est marrant. Des fois, ça flirte avec le grave, voire le tragique. Mais avec la conscience tranquille et légère et un petit peu de présence d'esprit et de débrouillardise, bah, le mec il a réussi à passer à travers tout, mais il existe toujours et il continue de faire rouler des groupes, même maintenant en Russie, où quand même ça doit pas être forcément évident vu comment deviennent les autorités de ce pays extrêmement démocratique. Il arrive quand même à faire voyager des groupes, y compris jusqu'à Petaouchnok en Yakoutie, enfin en Sakha, comme on dit. Je vous recommande ce bouquin, c'est édité par Dust International, D-U-S-T International. C'est un collectif d'artistes russes et français qui est basé à Paris. Ça se retrouve facilement sur les internets sociaux ou asociaux. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas encore parlé des réseaux asociaux. Donc voilà, ça s'appelle Gazelle of Death, la gazelle de la mort. Et puis, s'il y a des gens qui veulent s'en procurer à Lille, peut-être qu'on pourrait voir pour... faire une commande groupée, hein, ça coûtera moins cher en frais de port. Voilà, c'était Gazelle of Death. J'espère que ça vous intéressera. Si vous arrivez à le trouver, à mettre votre main dessus. Moi, j'ai réussi, donc normalement, ça doit être bon. Qu'est-ce que je vais passer maintenant ? Eh ben, un truc qui n'a strictement rien à voir, mais c'est dédié à quelqu'un qui n'est pas là. Et ça parle des facteurs qui passent leur temps à farfouiller dans le courrier qu'ils ont la lourde tâche de distribuer Stealing People's Mail par Dead Kennedys. We go to the party. We go to the game. We ain't going to the disco. Ain't gonna cruise out, man. Stealing people's mail. Stealing people's mail. Stealing people's mail. Stealing people's mail. Stealing people's mail. On a Friday night, driving in the mountains, riding around, around. Rhymes to your mailboxes. Tell your mailbox to town. And we got benefits and delegates, tax returns, checks to politicians from newspapers, money bills and fancy checks. Pretty funny pictures of your kids gonna steal your mail. People say that we're crazy, we're taking all the load, but when we read your letters, roll on the floor, and we got money when it gets to the turn. Take money just from rich paper, money bills and cash checks. We got daily ships with your friends, and I steal your mail on a Friday night. Let's steal your mail by Sunday night. We better not get caught if it comes to institutions. We'll be closed and shut. C'est comprend rien. D'ailleurs, eux-mêmes, des fois, on se demande. Hein, c'est JMKE avec Ella Belberia. J'avais prévu de passer ça après avoir fait une diatribe contre les réseaux sociaux commerciaux. Je la ferai la semaine prochaine et puis je ferai une autre illustration musicale. Ce que vous avez entendu juste avant, c'était les Madrilènes de Bajo Control qui seront. Le titre, c'était Si no somos nosotros tres. Ces gens seront en compagnie de Static Vision, les Courtraisiens et Distante de Buenos Aires que j'ai passé il y a 3 semaines je crois. Ça sera mardi prochain au magasin 4 à Bruxelles. Poète. Ce que vous écoutez actuellement, donc c'est JMKE, je l'ai déjà dit, je le répète, poète. Dédié à mon PA. Et puis bah c'est la fin de Pyongyang City Rockers. Du numéro 371, attends. Attends, parce qu'on revient la semaine prochaine. Hein. Peut-être plus nombreux, va savoir. 372. Il y aura plus de. Hein 372, 372 ouais. Exactement. Il y aura plus de neige, il y aura peut-être plus de brouillard. Bien. On verra ce qui se passe. En attendant, vous continuez d'écouter les émissions de Radio Campus et d'autre part. Juste après, vous allez pouvoir entendre Teeth Grinder avec l'ami JD. Ouais. Ensuite, ça sera Nico avec B-Boy Bouillabaisse. Vous pouvez écouter lundi prochain à partir de 20h l'excellente émission des Milky de Rien n'a encore changé. Ouais. Et puis il y a plein d'autres trucs. Regardez la grille de programme sur le site de Radio Campus. Pas chier. Campuslille.com. Voilà. Allez, on se quitte et on n'oublie pas. Voilà. Campus Lille, il est 21h.